L'actualité à Nancy et ailleurs. La 36e édition des semaines d'information sur la santé mentale se déroulera du 6 au 19 octobre avec de nombreuses actions proposées dans le département. Cécile Rinaldi, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du département promotion de la santé mentale et de prévention au centre psychothérapique de Nancy. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots ce que sont ces semaines d'information sur la santé mentale et leur objectif premier ? Ces semaines d'information sur la santé mentale, qu'on appelle aussi les SISM, elles existent depuis 1990, donc effectivement c'est la 36e édition cette année. Elles prennent de l'ampleur au fur et à mesure parce que le sujet de la santé mentale prend également de l'ampleur dans notre société et c'est tant mieux en fait qu'on arrive à en parler davantage. Les objectifs des SISM, donc depuis leur création, c'est de promouvoir en fait cette santé mentale, d'informer en fait sur ce qu'est la santé mentale, mais aussi sur les troubles psychiques, donc quand la santé mentale va mal, et puis comment se rétablir, comment trouver des ressources autour de soi, en passant de la prévention à l'éducation jusqu'aux soins et à l'accompagnement. Ça sert aussi à déstigmatiser tout ce qui tourne autour de la santé mentale, des troubles, des soins en santé mentale, et c'est de faire connaître tout ce qui existe en local. En fait, la particularité en fait de ces SISM, c'est que c'est toujours des implantations locales. En fait, c'est déployé sur l'ensemble du territoire national, avec des propositions d'événements et d'actions partout. Donc, il y a toujours quelque chose près de chez soi, on va dire, pour s'informer et puis pour réunir des personnes autour de cette thématique. Tout à fait. Donc, de nombreuses propositions qui seront faites avec une thématique. Chaque année, il y en a une. Cette fois-ci, c'est pour notre santé mentale, réparons le lien social. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce thème ? Déjà de rappeler peut-être que les semaines d'information sur la santé mentale, elles sont portées par un collectif national avec de nombreux partenaires, experts ou ressources autour de la santé mentale. Et chaque année, ils choisissent, ils définissent une thématique. Donc effectivement, comme vous l'avez dit, cette année, on est sur le fait de réparer le lien social parce que, en fait, selon l'Organisation mondiale de la santé, ce sont les liens sociaux de qualité qui entretiennent notre santé mentale, mais aussi notre santé physique et notre bien-être de manière générale. On sait qu'un réseau relationnel satisfaisant, ça amène du soutien, ça permet de faire face en fait au stress du quotidien, aux événements de la vie, et ça joue en ça un rôle protecteur, y compris contre des risques comme la dépression, par exemple. Et on sait aussi que une diversité de contacts sociaux et de liens favorise l'estime de soi, la qualité du sommeil, ça favorise aussi, ça facilite le fait d'avoir une activité physique régulière. Donc tout ça fait que ça favorise grandement en fait notre santé mentale et notre santé physique, en fait, le lien social. Et on sait qu'il est un peu mis à mal aujourd'hui dans nos sociétés modernes, on va dire. Alors, pour présenter cette thématique, on l'a dit, il y a beaucoup de rendez-vous qui vont être proposés, des rencontres, ciné-débats, forums santé, jeux, marches, yoga, pique-nique et même une guinguette le 19 octobre. Est-ce que vous pouvez nous mettre en lumière quelques temps forts justement de ces semaines ? Oui, alors en fait, peut-être de préciser qu'en fait, sur la Meurthe-et-Moselle Sud, on a 6 collectifs qui œuvrent finalement toute l'année pour construire ces programmes qui ont lieu sur les 2 semaines d'octobre. Et en fonction des territoires, il y a effectivement une multitude d'événements proposés. Donc ça va effectivement de rencontres familiales autour de jeux intergénérationnels, à des soirées débats dans des cinémas, à des ateliers, etc. Donc par exemple, on a sur le Grand Nancy, le temps fort, ça va être un temps partagé avec Octobre Rose, puisqu'encore une fois, on est sur, on n'a qu'une seule santé, et du coup, tout ça est très en lien, santé physique, santé mentale, et la prévention, et notamment du cancer du sein, est très importante. Donc, le samedi 11 octobre, de 11h à 17h, au parc Richard Pouille à Vendeuvre, une grande journée d'événements tout public. De dire aussi que tous les événements SISM sont gratuits, ça c'est important, c'est aussi dans l'ADN des SISM, c'est d'être accessible à tous. On a aussi à Pont-à-Mousson des événements sur la place du marché, des choses qui vont avoir lieu dans des l'espace public, en fait, l'idée, c'est d'essayer vraiment d'aller vers aussi la population. Donc, il y aura des choses voilà, qui vont avoir lieu dans des espaces publics et puis d'autres dans des médiathèques, dans des MJC. Effectivement, comme vous l'avez dit, il y aura une guinguette. Là, c'est sur Saint-Nicolas-de-Port qui organise une guinguette le dimanche 19 octobre après-midi à la salle des fêtes, voilà, pour réunir tout le monde autour d'un concert, de gourmandises à partager, etc. Donc, tout ça, évidemment, pour alimenter ce fameux lien social et ces rencontres, en fait, et de provoquer, en fait, toutes ces rencontres-là. Et puis, c'est évidemment l'occasion de rencontrer des professionnels aussi de la santé mentale, mais pas que. On est aussi sur des partenaires culturels, éducatifs, associatifs, divers et variés. Pour s'organiser, voir un peu ce qui se passe autour de chez soi, comment on peut retrouver un peu tout le programme de ces semaines ? On va dire qu'à l'échelle locale, c'est le Centre psychothérapique de Nancy qui coordonne la communication, donc qui diffuse en format papier et en format numérique via les réseaux sociaux, etc., les programmes. Donc normalement, vous pouvez les retrouver sur les réseaux sociaux via le Centre psychothérapique de Nancy notamment. Il y a aussi un portail SISM sur Internet où là, vous avez tous les événements nationaux avec une carte interactive et vous pouvez filtrer pour aller voir tout ce qui se passe en Meurthe-et-Moselle. Elle est près de chez vous. Et donc, c'est le site semaine-santé-mentale.fr. Mais si vous tapez SISM sur Google ou sur un autre moteur de recherche, évidemment. Donc, tout est en ligne. Cécile Rinaldi, merci beaucoup pour cette présentation de la 36e édition des semaines d'information sur la santé mentale. Je rappelle que vous êtes responsable du département promotion de la santé mentale et de prévention au Centre psychothérapique de Nancy. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.